Lui, dans un mois, au plus tard, avec Mademoiselle Rock, la fille du régisseur de M. d'Ambroise. Il est même parti en Nogent, rien que pour cela. Madame Arnoux porta la main sur son cœur, comme au choc d'un grand coup. Puis tout de suite, elle tira la sonnette. Deslauriers n'attendit pas qu'on le mit dehors. Quand elle se retourna, il avait disparu. Madame Arnoux suffoquait un peu. Elle s'approcha de la fenêtre pour respirer. De l'autre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur en manches de chemise clouait une caisse. Des fiacres passaient. Elle ferma la croisée et vint se rasseoir. Les hautes maisons voisines, interceptant le soleil, un jour froid tombait dans l'appartement. Ses enfants étaient sortis, rien ne bougeait autour d'elle. C'était comme une désertion immense. Il va se marier, est-ce possible? Et un tremblement nerveux la saisit. Pourquoi cela? Est-ce que je l'aime? Puis tout à coup, mais oui, je l'aime, je l'aime. Il lui semblait descendre dans quelque chose de profond qui n'en finissait plus. La pendule sonna 3 heures. Elle écouta les vibrations du timbre mourir. Elle restait, au bord de son fauteuil, les prunelles fixes et souriant toujours. La même après-midi, au même moment, Frédéric et Mlle Louise se promenaient dans un jardin que M. Rock possédait au bout de l'île. La vieille Catherine les surveillait de loin. Ils marchaient côte à côte et Frédéric disait « Vous souvenez-vous, quand je vous amenais dans la campagne ?»« Comme vous étiez bon pour moi, » répondit-elle. « Vous m'aidiez à faire des gâteaux avec du sable, à remplir mon arrosoir, à me balancer sur la scarpolette. »